juste un message adressé à la jeunesse du monde, celle qui veut voir le bout du tunnel, qui l'emportera grâce à la force du nombre, acharné même quand la poisse veut lui faire de l'ombre. Juste un message adressé à la jeunesse du monde, celle qui veut voir le bout du tunnel, qui l'emportera grâce à la force du nombre, acharné même quand la poisse veut lui faire de l'ombre. Allons la France, ici la jeunesse, y'a que de la dépression. Message de SOS pour accuser de déception. Pas de réseau sous le tunnel, on aimerait voir le bout. Notre chance et la souffrance, sais-tu ce que c'est qu'avoir le blues? Le concept c'est d'être unis dans la difficulté. Moi j'en ai marre de voir les jeunes d'ailleurs et d'ici buter. L'État a décidé tout miser sur la peur. Rétablir la vérité c'est le taf de tout rappeur. Yeah, une vie dans le brouillard, trop de questions sans réponse. Tu trouves la solution de ton problème dans la défonce. Ouvrons les yeux et soyons solidaires. Plutôt qu'une brebis égarée, vaut mieux être un loup solitaire. J'ai ma vision, je leur dis d'aller se faire voir. Ils profiteront tant qu'il y aura du pétrole dans le réservoir. Combien de temps tout ça va durer, durer à l'heure où monsieur le président a vu son salaire doublé? Juste un message adressé à la jeunesse du monde, celle qui veut voir le bout du tunnel, qui l'emportera grâce à la force du nombre, acharné même quand la poisse veut lui faire de l'ombre. Juste un message adressé à la jeunesse du monde, celle qui veut voir le bout du tunnel, qui l'emportera grâce à la force du nombre, acharné même quand la poisse veut lui faire de l'ombre. Les sentiments sont confus, dans mon crâne je souffre, mon cœur bat toujours mais je ne l'entends plus. Cette nuit j'ai rêvé que la haine avait disparu. Sache que le courage d'un homme ne dépend pas de sa carrure. Si tu t'embrouilles avec la daronne c'est qu'un passage, parce que l'amour d'une mère est un sentiment irremplaçable. T'es angoissé quand t'as un loyer à payer, ou quand le doute de la perquise te force à rester éveillé. Hein, le chiton insomniaque, tu crois que le boulanger est un flic en civil, tellement t'es paranoïaque. Ouais, loin des plans bizarres et des trucs bidons, amoureux de la zig depuis que je me suis fait planter par Cupidon. Je suis pas à l'abri de perdre ma vie en ville. Il faut que je fasse mes dièses, ici les anciens partent et les petits grandissent. Je fais attention aux gens rusés sur moi, pris en photo par la routine depuis que cette pute a flashé sur moi. Juste un message adressé à la jeunesse du monde, celle qui veut voir le bout du tunnel, qui l'emportera grâce à la force du nombre, acharné même quand la poisse veut lui faire de l'ombre. Juste un message adressé à la jeunesse du monde, celle qui veut voir le bout du tunnel, qui l'emportera grâce à la force du nombre, acharné même quand la poisse veut lui faire de l'ombre. Il faut de la force, du courage, de la bravoure pour ne pas finir dans une banque avec un flingue, une cagoule. Quand je vois mon parcours, chaque jour, j'avoue que même si tout va mal, et bien je te dirai poteau, ça roule. On a appris à reconstruire avec des gravages. Je me soigne avec mon rap depuis que l'espoir s'est fait ma rave. Et ouais, il faut des SNS avant qu'on s'arrache. Jeunesse, malade, Moha, Jamal. De nos jours, plus de moralité. Je me sentirai bien le jour où la poisse m'aura quitté. J'irai pas me suicider, pris d'un élan de folie. La SIC m'aide à canaliser toute cette mélancolie. Grâce à Dieu, j'ai la santé, pas de maladie. Je pense à ceux qui doivent dire hasta la vista à la vie. J'ai une douleur qui monte, mais même douleur, ma fille, je l'aime et je les changerai pas, même contre tout l'or du monde. Juste un message adressé à la jeunesse du monde, celle qui veut voir le bout du tunnel, qui l'emportera grâce à la force du nombre, acharné même quand la poisse veut lui faire de l'ombre. Juste un message adressé à la jeunesse du monde, celle qui veut voir le bout du tunnel, qui l'emportera grâce à la force du nombre, acharné même quand la poisse veut lui faire de l'ombre. Juste un message adressé à la jeunesse du monde, celle qui veut voir le bout du tunnel, qui l'emportera grâce à la force du nombre, acharné même quand la poisse veut lui faire de l'ombre. Grâce à la force du nombre.